Pour connaître la volonté de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu, recevoir l'Esprit de Dieu et vivre dans l'obéissance. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Voulez-vous que Dieu accomplisse une œuvre surnaturelle dans votre vie? Voulez-vous voir Dieu répondre à vos prières? Voulez-vous voir Dieu à l'œuvre dans les différentes circonstances de votre vie, avec vos enfants et votre famille, vos finances et votre emploi, votre vie professionnelle et votre vie amoureuse, ou encore votre mariage et tout le reste? Comme nous l'apprendrons aujourd'hui, la peur et l'incertitude peuvent constituer des obstacles de taille à notre relation avec Dieu. Quand nous ne marchons pas avec assurance dans notre relation avec Dieu, la timidité peut grandement diminuer l'efficacité de nos prières. Mais nous pourrons toujours reconnaître ce danger et prier avec assurance en écoutant notre enseignant Charles Stanley nous apprendre à prier selon la méthode biblique. Ouvrons notre Bible dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous y trouverons des réponses à plusieurs questions, notamment celles concernant la façon de nous approcher du Seigneur avec assurance et hardiesse pendant nos temps de prière. Lisons les versets 14 et 15. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Dieu nous a fait cette promesse toute simple. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et il nous l'accorde. Or, le problème est de savoir si nous demandons la bonne chose lorsque nous nous approchons de lui. Car souvent, nous ne sommes pas sûrs de demander la bonne chose en lui soumettant notre requête. Nous devons tous, de temps à autre, lutter avec le doute. « Seigneur, voici ma requête, mais est-elle bien conforme à ta volonté ?» Il est normal de ne pas toujours savoir si le sujet de notre prière concorde avec la volonté de Dieu pour notre vie ou la vie de ceux et celles pour qui nous prions. J'aimerais mentionner ici deux choses. Premièrement, notre assurance dans la prière est inextricablement liée à notre relation avec Jésus-Christ. La prière est un privilège exclusivement réservé aux croyants. Il n'existe qu'une exception à cette règle quand une personne crie à Dieu pour que ses péchés lui soient pardonnés, quand elle lui demande de la sauver et de la faire naître de nouveau, elle ne jouit pas encore d'une relation avec Dieu. C'est la seule exception. À part cela, la prière, les requêtes, l'intercession, les actions de grâce, la louange et l'adoration sont toutes des privilèges exclusifs réservés aux enfants de Dieu. La parole de Dieu affirme que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous pouvons compter sur l'appui d'un intercesseur auprès de Dieu, Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père. C'est grâce à lui que nous avons un accès à Dieu le Père. Il est la porte par laquelle nous pouvons entrer pour nous approcher du Père dans un esprit de prière. Or, malgré cette bénédiction, plusieurs croyants ne veulent pas s'approcher du trône de grâce à cause d'un péché délibéré, volontaire et connu. L'apôtre Jean nous met en garde contre ce genre de faute dans sa première épître, chapitre 3, versets 21 et 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. En gardant ses commandements et en faisant ce qui est agréable à Dieu, le croyant qui s'approche de Dieu dans une attitude de prière peut le faire avec une assurance qui ne vient pas seulement d'une conscience tranquille, mais d'un cœur obéissant envers Dieu le Père. Le désir du croyant est de marcher dans la soumission à la volonté de Dieu, de vivre dans l'obéissance sous la seigneurie de Jésus-Christ. Au contraire, une vie de rébellion d'indifférence et d'indépendance devant Dieu court-circuite votre assurance devant lui. Je dois vous poser cette question. À quoi tenez-vous tellement dans la vie que cela vous prive de l'assurance, de la hardiesse et de la foi qui vous permettent de vous approcher de votre Père céleste quand il ne demande pas mieux que vous ouvrir toutes grandes les écluses de ses richesses divines et de faire circuler en vous et à travers vous sa puissance surnaturelle? Avez-vous pensé à tout ce que vous êtes prêt à rejeter à cause d'un péché? On ne peut même pas comparer les deux. Nous pouvons donc résumer ce premier point en concluant que l'assurance de notre prière prend ses racines dans notre relation avec Jésus-Christ. Passons maintenant au deuxième point. Nous pouvons prier avec assurance dans la mesure où le sujet de notre prière est directement lié à notre compréhension de la volonté de Dieu. Le sujet de notre prière doit s'accorder avec la volonté de Dieu dans la mesure où nous la comprenons. C'est pourquoi, comme nous l'avons déjà vu, Jean affirme dans sa première épître, versets 14 et 15, du chapitre 5, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Nous savons alors que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Avez-vous bien remarqué le temps du verbe? Il ne dit pas que nous serons peut-être un jour si notre prière a été exaucée. Il dit que nous le savons présentement. Regardons maintenant Romains chapitre 8, verset 32. Ce passage contient une merveilleuse promesse. Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu veut nous donner tout ce qui est bon pour nous. Il veut aussi nous faire connaître sa volonté. Nous avons donc le privilège et le droit de nous approcher de Dieu et de connaître sa volonté. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur deux passages de la parole de Dieu. Nous les utiliserons pour illustrer comment deux personnes qui ne connaissent pas la volonté de Dieu peuvent réagir dans ce genre de situation. Je vous demande toute votre attention, car il est facile de mal interpréter les actions et paroles de Jésus-Christ dans le premier passage enregistré dans Matthieu chapitre 26, verset 38. Il s'agit de l'épisode du jardin de Gethsémané. Notre Seigneur sent sa dernière heure arriver et il prie. Jetons un coup d'œil au contenu de cette prière. Matthieu chapitre 26, les versets 38 et 39. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus, le Fils de Dieu, demande à son Père d'éloigner cette coupe de lui. Par ces paroles, Jésus ne voulait pas savoir s'il pouvait éviter de mourir pour l'humanité. Quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi, nous devons bien comprendre le sens de ces paroles. Cette coupe représentait une expérience que Jésus-Christ n'avait jamais vécue auparavant, une séparation complète entre lui et son Père. Jésus n'avait jamais été séparé de son Père. Et à ce moment, Jésus demande au Père s'il est possible pour lui d'accomplir sa mission sans avoir à souffrir de cette séparation. Car Jésus n'était pas seulement Dieu, il était aussi humain. Et en tant que tel, il comprenait qu'il devait mourir pour le péché de l'humanité. Il faisait face à l'angoissante et atroce réalité que son unité parfaite et éternelle avec Dieu le Père allait bientôt brusquement cesser. Il allait être séparé de son Père au moment de porter sur lui les péchés de l'humanité. En tant qu'humain, nous ne pouvons pas comprendre la douleur de cet instant, car à cause du péché, nous n'avons jamais vécu de communion parfaite avec le Père. Or, Jésus est passé, en un instant, d'un état de communion parfaite à un état de séparation complète. les douleurs physiques endurées par Jésus avant et pendant la crucifixion, bien que considérables, ne pouvaient se comparer à cette douleur spirituelle qui lui a arraché ce cri dans l'Évangile selon Marc, chapitre 15, verset 34. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» S'il y avait eu un moyen d'éviter cette séparation, Jésus l'aurait pris. Mais puisqu'il n'y en avait pas, Jésus s'est soumis à la volonté de son Père. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus-Christ nous enseigne ici un modèle de réaction sainte à une circonstance de vie très difficile et éprouvante. Il nous montre comment nous devrions prier avec honnêteté, avec soumission et avec obéissance dans ce genre de situation pour laquelle nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Nous crions notre peine et notre angoisse à Dieu. Nous lui crions notre désir quand nous ne connaissons pas sa volonté. Mais nous devrions en même temps prier que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. Passons maintenant à notre deuxième illustration dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 et 8. Paul y relate, après coup, un épisode de sa vie pendant lequel il se trouvait dans un état de faiblesse extrême. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 et 8. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. La Bible mentionne que Paul s'est présenté devant Dieu à 3 reprises pour implorer sa clémence. Je ne crois pas que Paul se soit contenté de s'agenouiller à côté de son lit avant de se coucher en demandant au Seigneur de lui enlever son écharde. Paul a supplié Dieu et pour faire cela, il a probablement jeûné, prié et crié à Dieu de lui enlever la source de son affliction. L'écharde dans la chair n'est jamais identifiée. Dieu n'a pas cru bon de nous révéler sa nature. Je le crois pour une excellente raison. Parce que si l'un de nous se trouvait dans la même situation que Paul, il dirait, « Vous savez, moi aussi, j'ai une écharde dans la chair comme Paul. » Et il raconterait partout sa faiblesse ou sa maladie, et elle deviendrait pour lui une occasion de s'enorgueillir. Que voulez-vous? J'ai le même problème que l'apôtre Paul. Dieu, dans sa sagesse, décide de ne pas nous révéler certaines choses, et c'est tant mieux. Cependant, nous pouvons être certains d'une chose. S'il y avait eu une quelconque possibilité, un seul moyen pour Paul de se débarrasser de cette écharde dans sa chair, il l'aurait sûrement pris. Nous pouvons nous imaginer l'apôtre suppliant Dieu. « Seigneur, guéris-moi, je n'en peux plus. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je pourrais te servir beaucoup mieux si je n'avais pas cet inconvénient pour m'empoisonner la vie. Seigneur, pourquoi as-tu permis cette atrocité dans ma vie quand je t'ai donné ma vie pour te servir, pour t'obéir et pour proclamer ta vérité? » Paul a dû utiliser toutes les ressources de son intelligence et de sa sensibilité pour persuader Dieu de lui enlever cette douleur. Mais Dieu ne l'a pas fait. Et finalement, après un certain temps où Paul demeurait prostré dans sa souffrance et priait, demandant et réclamant à Dieu une délivrance, le suppliant même, le Seigneur lui a répondu. Il lui a communiqué sa volonté, telle qu'écrite dans 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 9 et 10. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment Jésus-Christ a-t-il répondu à son serviteur, Paul? Je sais que cette écharde est désagréable, difficile et douloureuse. Tu voudrais faire cesser ce désagrément. Or, je sais que pour ton bien et pour ma gloire, cette écharde doit absolument rester en toi. Si je veux que tu deviennes la personne que je veux que tu deviennes, en t'empêchant de devenir vaniteux et centré sur toi-même, et afin d'arriver à mes fins, afin que ma volonté et mon plan s'accomplissent dans ta vie, l'écharde restera où elle est. » Paul devait accepter la volonté de Dieu. Qu'aurait-il pu faire d'autre? Avez-vous déjà prié avec insistance et intensité pour que Dieu améliore une situation difficile sans que Dieu consente à exaucer votre requête? Vous lui dites, « Seigneur, je connais ta volonté, car cette promesse est clairement écrite dans ta parole. Tu m'as fait cette promesse. » Et pourtant, la douleur ou l'obstacle refuse de partir. Il arrive parfois que nous demandions à Dieu de nous montrer sa volonté et il nous répond sur le champ, comme dans le premier exemple avec Jésus. En d'autres occasions, Dieu attend un certain temps avant de nous répondre, comme dans le cas de Paul, qui a dû prier à plusieurs reprises avant de recevoir une réponse. Et quand nous recevons cette réponse, nous sommes en mesure de considérer notre situation selon la perspective de Dieu. Nous nous rendons alors compte que notre requête n'était pas conforme à la volonté de Dieu, contrairement à ce que nous pensions. La leçon à retirer de tout cela est que Dieu veut nous communiquer sa volonté. Il le fait parfois immédiatement, parfois plus tard, mais il le fait éventuellement. Mais comment devons-nous procéder pour nous approcher de Dieu et connaître sa volonté dans une situation précise? Quelle est la marche à suivre? D'abord, rappelons-nous trois des ingrédients essentiels pour réussir dans notre démarche, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. La Bible contient la révélation de la volonté générale de Dieu. D'un bout à l'autre des Écritures, nous pouvons découvrir la volonté de Dieu s'exprimant de deux manières différentes. La première est très spécifique et claire. Ce sont les commandements de Dieu. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu aimeras ton frère, tu aimeras ton ennemi, tu répondras au mal par le bien. Toutes ces consignes sont clairement exprimées dans des passages comme Exode 20 et Matthieu chapitre 5, les versets 21 à 48. Il existe aussi des principes sous-jacents aux expériences de vie relatées dans la Bible qui sont peut-être plus subtils, mais qui deviennent clairs quand nous les mettons en relation avec les commandements que nous connaissons déjà. Par exemple, la Bible ne vous dira pas si, oui ou non, vous devez marier votre fiancé. Mais par contre, Dieu nous dit de ne pas marier une personne qui ne croit pas en lui. Nous avons alors un principe qui peut s'appliquer ou non à notre situation. Le psaume 119 nous dit que Dieu utilise sa parole pour nous révéler sa volonté au verset 130. « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Et au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nous pouvons donc comprendre que la parole de Dieu contient la révélation générale de Dieu, révélation dans laquelle il expose ses commandements et ses principes généraux qui s'appliquent à l'ensemble de son peuple. Jusque-là, tout va bien. Or, maintenant, nous devons tenter de savoir comment appliquer ses commandements et ses principes généraux à notre situation ou à notre requête particulière. Nous pouvons faire confiance à Dieu, car il ne laisse rien au hasard. Regardons quelques autres passages des Écritures, en commençant par l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. Écoutez bien les paroles que Dieu adresse à ses disciples dans la chambre haute la veille de sa crucifixion. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Jésus nous présente ici la personne du Saint-Esprit, dont la responsabilité est de nous conduire dans toute la vérité. Rappelez-vous le passage que nous avons déjà lu dans la première épître de Jean au chapitre 5. Nous portons en nous-mêmes le témoignage. Le Saint-Esprit est venu dans notre vie si nous avons cru en Jésus-Christ, et il habite maintenant en nous pour nous conduire dans la vérité. Il est notre enseignant et notre guide. Regardons maintenant 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Oui, si on veut les choses profondes de Dieu, verset 12, Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit nous révèle quelles sont en vérité les choses que nous avons reçues de Dieu. Et Romains, chapitre 8, verset 26 affirme, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Relions maintenant nos idées. Il y a, premièrement, la révélation générale de Dieu, c'est-à-dire la volonté générale de Dieu, révélée à l'ensemble de l'humanité. Elle s'exprime par des commandements clairs et des principes sous-jacents. Ensuite, vient le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, et dont la responsabilité est d'utiliser ses commandements clairs et ses principes sous-jacents de la parole de Dieu et de nous aider à les interpréter en fonction de la situation ou de la requête spécifique que nous apportons devant Dieu. Il est donc absolument essentiel pour nous de passer du temps dans la lecture de la parole pour découvrir les principes des Écritures. Nous pouvons ensuite permettre au Saint-Esprit de se baser sur ces vérités et de les appliquer dans notre vie. Cependant, rappelez-vous qu'il existe un troisième acteur pour nous aider à connaître la volonté de Dieu. En plus de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, il s'agit de l'Esprit de l'homme. Le rôle de l'Esprit de l'homme est essentiel, car pour connaître la volonté de Dieu, nous devons bien sûr nous approcher de lui en gardant en tête les préceptes de sa parole et en permettant à l'Esprit de Dieu de travailler dans notre cœur. Toutefois, troisièmement, nous devons le faire avec un esprit de soumission, c'est-à-dire que nous devons laisser le Saint-Esprit contrôler notre esprit en ayant la ferme intention de lui obéir en toutes choses. L'Esprit de Dieu se sert donc de la révélation générale de Dieu contenue dans la Bible et l'applique à votre besoin personnel tel que vous l'exprimez dans votre requête. Ensuite, il vous fait connaître la volonté de Dieu sur cette question. Encore une fois, la réponse peut venir instantanément ou après un intervalle de temps plus ou moins long. Or, Dieu désire nous faire connaître éventuellement sa volonté lorsque nous nous approchons de lui dans une attitude de prière. Il arrive aussi parfois qu'il retarde l'expression de sa volonté afin d'accomplir d'abord une autre œuvre dans notre vie. Mais 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15 nous affirme que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. La plupart du temps, nous devrions donc nous approcher du Père avec notre connaissance objective de la parole de Dieu et sous la conduite intérieure du Saint-Esprit. Ainsi, il ne devrait pas être trop difficile pour nous de connaître la volonté de Dieu lorsque nous nous approchons de lui dans la prière. Nous pouvons donc nous approcher de lui avec assurance et hardiesse, et nous pouvons nous attendre à ce que Dieu entende et réponde à notre prière. Trois acteurs sont donc essentiels pour nous permettre de connaître la volonté de Dieu. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu et un esprit humain soumis. Équipés de la sorte, nous pouvons pénétrer dans la salle du trône céleste avec l'assurance de trouver la grâce et l'aide nécessaires en cas de besoin. Car cette assurance et cette hardiesse sont fondées sur notre relation avec Dieu en Jésus-Christ. Elles sont directement reliées à notre compréhension de la volonté de Dieu par rapport à la situation particulière pour laquelle nous effectuons notre requête. Et je sais que, si vous ne vous êtes jamais personnellement confié en la personne de Jésus-Christ comme étant votre Sauveur, je n'ai pas à prier pour vous en disant « Seigneur, sauve-le, si cela est selon ta volonté. » Car je sais que Dieu désire vous sauver en cet instant même. Et comment puis-je savoir cela? Vous pourriez vous demander pourquoi vous devriez être sauvé dès aujourd'hui et non pas dans quelques années. Je le sais, parce que Dieu affirme dans sa parole, « Aujourd'hui est le jour du salut. » En d'autres mots, Dieu désire vous sauver au moment où vous entendez la vérité pour la première fois. Vous devriez être sauvé au moment où vous entendez la vérité pour la première fois. Oh, nous pouvons arriver à grappiller quelques miettes et nous arranger par nos propres moyens, mais cela ne vient pas de Dieu. Notre confiance en Dieu doit se fonder sur une conscience tranquille. 1 Jean, chapitre 3, versets 20 et 21, nous garantit que, si notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons nous approcher en tant que croyants avec assurance du trône de grâce, car notre confiance est enracinée dans notre relation avec Jésus-Christ. Et maintenant que nous avons acquis la certitude que Dieu nous a promis de nous révéler sa volonté, laissez-moi vous poser une question. Présentez-vous des requêtes à Dieu en connaissant déjà sa volonté sur le sujet? Par exemple, si quelqu'un vient me voir en me disant « Pasteur, je cherche à savoir la volonté de Dieu concernant mon baptême. » Je réponds « Vous êtes sauvé depuis combien de temps? » « Eh bien, je suis sauvé depuis environ 12 ans et je cherche encore à connaître la volonté de Dieu là-dessus. » Vous pouvez cesser de prier et aller vous faire baptiser. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, arrêtez de prier et faites-le, car en remettant à plus tard, vous accomplissez la volonté du diable. Oh, je prie là-dessus! Quand Dieu vous fait connaître sa volonté pour votre vie, arrêtez de vous demander ce que vous devriez faire, remerciez Dieu de vous avoir répondu et priez pour obtenir la force, la sagesse, la connaissance et la compréhension d'accomplir sa volonté, et faites-la! De cette façon, vous fortifierez votre assurance et votre hardiesse lorsque vous priez. Charles Stanley nous a rappelé qu'à un certain moment, nous devons cesser de prier et agir en fonction de la volonté de Dieu qui nous a été révélée. Si Dieu vous a donné une direction précise, remerciez-le et agissez selon la force et la direction qu'il vous a donnée. Car Dieu ne bénira pas l'âme rebelle. Recherchez donc la volonté de Dieu en ayant une attitude d'obéissance et un esprit de soumission envers lui, car Dieu se tient prêt, du haut des cieux, à répondre à vos prières. Dieu nous en a fait la promesse dans le psaume 107, verset 9. « Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.